Audiomatique. C'est sur la musique du pianiste argentin Boris Claudio Schifrin, connu sous le pseudonyme de Lalo Schifrin, que s'ouvrait la transmission 5-6-7 d'Audiomatique. De son album There's a Whole Lalo Schifrin Going On, paru en 1968, nous avons entendu la composition Dissolving. Et maintenant, c'est au tour du groupe danois Onabun d'assurer la continuité à Audiomatique. Thank you. avions droit à Audiomatic, au groupe danois Onabun, de leur album Dea Mai Der Ola Trean Samen, paru en 2002. Nous entendions la pièce Om Vinteren. Allons-y maintenant avec une composition issue de la collaboration entre les artistes péruviens Manongo Mojica et norvégien Terje Evensen. Audiomatic, nous venons d'écouter la composition Saga, réalisée par les artistes Manongo Mojica et Terrier Evanson. La pièce se retrouve sur l'album concept Paracas Ritual, qui puise sa source d'inspiration dans l'environnement visuel et sonore du désert de Paracas au Pérou. Audiomatic se poursuit maintenant avec la formation américaine Frankie and the Witch Fingers. We'll be right back. avions droit à Audiomatique, au groupe américain Marriages, de son unique album Salomé qui a été lancé en 2015. Nous écoutions la pièce titre. Et pour débuter ce bloc musical, il s'agissait de la formation américaine Frankie and the Witch Fingers, de son album Trash Classic, paru le 6 juin 2025. Nous vous avons présenté la pièce titre. Cette transmission d'Audiomatique se conclura sur la pièce Grey Sky Promises, composée par le projet Static Logic. La composition se retrouve sur la compilation CRL Studios Presents Pressure Reducing Valve Volume 2, qui, outre Static Logic, regroupe des pièces des projets Access to Arasaka et Toki. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Static Logic et sa composition Grey Sky Promises. C'était Audiomatique avec les sonoristes.